Pierrot à la prod. C'est pour reçoit une musique. La boussole, la boussole. Yo, je suis Léon devant ses fleurs, et Jedi en déprimé. Regrette la simplicité de l'époque de la prise spirituelle. L'histoire d'un môme agité perdu dans une foule qui gronde paternité. Ma seule fierté, pourtant, c'est à la portée de tout le monde. La solitude, je l'ai méritée. Différence règle à coup de phalange. M'importe seule la vérité, j'attends que le destin m'allonge. Le quotidien d'un daron, si au moins j'en zappais mes carences. Journée, je démarre par un ton, je commençais pas que ça vous dérange. Vois des cravates en troupeau, regroupées comme un salaire. Je te parle que d'addition salée. Ouais, leur dieu, c'est leur salaire. Entre repères de salauds, mamelle auquel ils s'allaitent. Pull une vipère de salon. Vraiment tant que le temps s'arrête. Joyeuse époque, rien que tu cotises. J'ai mal au côté, rien de caustique. J'fais mon taf et j'fais pas de vagues. Un peu comme Benoît Cossy, le rêve frappe comme un low kick. J'suis comme toi, genre utopiste. Bab tout terre à terre, protège sa fille de leur propagande wokiste. Tel le prend comme trahison, rien à gagner d'être méprisant. J'observe leur grande illusion avec mon bon sens paysan. L'histoire t'a pas de paysan et peu importe le récit. Face au consensus, moi j'me complais dans l'hérésie. Pierrot à la prod. Moi je me complais dans l'hérésie. La terre tourne, la terre tourne. Oui la terre tourne trop vite. Cause déçu de leur évolution. Comme Ivan Denisovitch, tu mens.